Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez Jean-Louis, ostréiculteur, à table au bord de la mer, entouré d'un groupe d'amis qui viennent de passer 2 semaines de vacances ensemble. Jean-Louis a des choses à dire à ses amis, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Quelles sont les limites de l'amitié? Peut-on tout dire à ses amis? Et faut-il parfois sacrifier l'amitié au nom de la recherche de la vérité ou de la sincérité? Aristote et Platon sortent ce matin leur petit mouchoir. Jean-Louis, si tu veux, on peut remettre ça. Hein. Si t'as des problèmes d'argent, tu peux me le dire, parce que je peux t'aider si tu veux. Vraiment. Allez, Max. T'es sûr? Pourquoi? Parce que d'abord, je vois pas fait que tu me demandes ça à un autre moment, que là, dans tout le monde, là, pour te faire mousser. Faire mousser, non. Je m'en fous de l'argent, Max. Je m'en fous de l'argent. Alors t'arrêtes avec ça maintenant. Excusez-moi, mais j'ai pas envie de tricher. Personne te demande de tricher. Personne me le demande, mais comme vous le faites tous. C'est arrivé, Jean-Louis. C'est 15 jours là que je vois tous soi-disant amis là, en train de vous mentir les uns les autres. Quoi? T'en as fait ton métier, toi, de mentir. C'est ce que tu fais de mieux. Ouais, Jean-Louis, ça va, qu'est-ce qui te prend là? Mais pas que vous me foutez tous les boules là, tout ce temps que vous êtes. Toi, il faut que t'en foutes plein la vie à tout le monde. Même à tes amis, surtout à tes amis, pour leur prouver que toi, t'as bien réussi. Et le pire, c'est que vous mentez à vous-même. D'accepter le petit travers des autres parce que ça vous arrange. Vous dites ami, mais c'est quoi être ami? C'est votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort, c'est plus important? Attends, Jean-Louis, ça va. Hein. Mais qu'est-ce que c'est à toi? Toi, tu nous as fait chier pendant 15 jours et ton portable de merde et texto à la con. Mais est-ce que t'as appelé l'hôpital une fois pour savoir comment il allait? Il est mort. Vous entendez, il est mort ce matin tout seul à l'hosto. Et oui, l'amitié n'est pas toute rose, elle est parfois le lieu d'une cruauté et d'une ironie sans nom. Bonjour Anne Mercaire. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. La conception de l'amitié a beau avoir évolué depuis l'Antiquité, les travers humains restent les mêmes. Une chose est de célébrer l'amitié, de promettre une fidélité à toute épreuve, comme dans la chanson du générique de Friends qu'on vient d'entendre. Une autre est de rester un ami véritable quand les soucis de son existence prennent le dessus, au point parfois d'enfoncer la tête sous terre pour ne pas voir son ami gravement malade, ce que raconte l'extrait des Petits Mouchoirs, le film de Guillaume Canet, que vous venez d'entendre. Ce décalage entre une définition idéale et la réalité, elle a déjà été pensée bien avant le 21e siècle, notamment par Platon et Aristote. Oui, en effet, je dois dire que votre entrée en matière va offrir un contraste certain, malgré tout, avec l'approche d'un Platon ou d'un Aristote, hein, tous les deux, puisque vraiment la philia fait partie de ces notions extrêmement lumineuses. Et alors philia, c'est le mot grec utilisé pour amitié, l'amitié, et qui pourrait même s'étendre jusqu'à exprimer tous les liens sociaux en réalité. Mais l'extrait là que vous avez passé, parce que je vais commencer par réagir à son propos, il fait écho à une difficulté sur l'amitié qui a toujours occupé au moins les Grecs, à savoir l'épreuve que constitue le malheur pour l'amitié, la pierre de touche. Et c'est un lieu commun hein, de l'Antiquité de dire c'est dans les malheurs que l'on reconnaît les vrais amis. Et il est facile, effectivement, d'avoir beaucoup d'amis en temps de prospérité, lorsqu'on va bien, mais on les reconnaît au moment du malheur. Mais c'est une pierre de touche, en quelque sorte, négative. Donc, évidemment que la pensée de l'amitié se fait par un biais positif et pas seulement par cette mise à l'épreuve négative, mise à l'épreuve que constitue le malheur. Et l'amitié va justement permettre de penser une relation authentique dans laquelle, l'extrait parlait beaucoup de mensonges, alors de mensonges interpersonnels, etc. Et il y a assez vite, je dirais, autour de l'amitié, la question de la vérité. notamment la question de savoir comment on se situe lorsqu'il peut y avoir éventuellement conflit entre une vérité et une certaine amitié. C'est des conflits que des philosophes peuvent rencontrer, puisqu'ils sont en quête d'un certain savoir, d'une certaine vérité, que chacun peut soutenir des thèses, et que ces thèses ne sont pas forcément compatibles. Et donc Aristote en particulier, ce passage relativement célèbre de l'Éthique à Nicomaque, livre 1, chapitre 4, où il aborde la théorie platonicienne du bien comme idée, comme bien en soi, abstrait, etc., et ça lui convient pas du tout. Et il indique cette espèce de réticence sur le fait, bon, je m'apprête à critiquer des amis, mais la vérité aussi est une amie. Alors on va écouter le texte, il fait 30 secondes, voilà. Et puis vous nous direz ensuite ce qu'il signifie vraiment. Il faut peut-être commencer par examiner le bien universel et vider la question de savoir comment on l'entend, quelque incommode que soit rendu ce genre de recherche, du fait que ce sont des amis qui ont introduit les formes. Mais il semblera qu'il vaut mieux, et que c'est un devoir, pour peu qu'il s'agisse de rechercher la vérité, d'aller jusqu'à réfuter ce qui est approprié, surtout lorsqu'on est entre philosophes. Quand deux choses leur sont chères, en effet, un devoir sacré les oblige à honorer d'abord la vérité. Quand deux choses leur sont chères à ces philosophes, un devoir sacré les oblige à honorer d'abord la vérité. Quand Aristote écrit ceci à Anne Mercœur, il fait référence, il parle de ses amis, notamment à Platon. À Platon et aux platoniciens de l'école. Et effectivement, bon là c'est traduit par « quand deux choses ou deux personnes nous sont chères ». Dans le grec, c'est vraiment le terme de « philos ».« Duoin, untoin, philoin », deux choses, bien que deux choses nous soient amies. Et donc la vérité est une amie et le philosophe est celui qui a le mot de « philia » dans sa propre appellation. C'est quand même la seule discipline, bon, je laisse philosophie. La philologie, mais la seule discipline qui intègre l'amitié, la philia. Il y a à l'intérieur de sa dénomination. Donc le philosophe est engagé tout particulièrement par d'abord un certain type d'amitié, un certain type d'attachement à quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, donc quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Et en fait, ce geste que fait Aristote, alors qui renvoie aussi aux relations un petit peu compliquées de Platon et d'Aristote, je ne crois pas qu'on pourrait dire, en tout cas aujourd'hui, avec nos mots d'aujourd'hui, que Aristote et Platon étaient amis, étant donné qu'il y avait quand même une très grande différence d'âge. 40 plus de ans. 40 ans, oui, un petit peu plus. Néanmoins, ils étaient n'empêche philoï, pas l'amitié, cela voilà, dit. Voilà, ils étaient philoï au sens où ils étaient liés, mais toujours avec une relation un petit peu compliquée, puisque Diogène Laërce témoigne. Vous savez, Diogène Laërce qui a écrit « Vie et doctrine des philosophes illustres ». Alors, je dis souvent aux étudiants, pour rire, c'est un peu le journal People de l'Antiquité, je le dis un peu méchamment. Mais il y a aussi, évidemment, énormément d'informations qu'on a, mais il y a aussi les côtés relations, qui était ami avec qui était marié avec qui, même éventuellement qui couchait avec qui. Enfin, vraiment, je vous dis, il y avait ce petit aspect un peu journal people, mais bon, Nietzsche, par exemple, trouvait beaucoup d'intérêt chez Diogène, parce que justement, avec en quelques phrases, il présentait vraiment une personnalité, quoi. Et donc, le peu d'informations, mais très tardives et très sujettes à caution, souvent, qu'on peut avoir sur des relations un petit peu personnelles, on les a par Diogène. Et Diogène rapporte que Platon aurait dit d'Aristote, Aristote est comme le poulain, le tout petit poulain qui vient de naître. Alors la phrase exacte, voilà. C'est « Il s'éloigna de Platon alors que celui-ci vivait encore, ce qui, dit-on, fit dire à ce dernier, à Platon donc, Aristote nous a lancé une ruade comme font à peine nés les petits poulains avec leur mère. » Voilà. Que cette anecdote soit historiquement vraie ou pas, peu importe, à la limite, elle a une forme de vérité dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'Aristote est à la fois l'enfant de Platon, mais un enfant assez rebelle et qui donne vite des ruades et qui a très vite pris son essor. Et donc, ce qui est intéressant dans la première citation là de l'Éthique à Nicomaque, la vérité aussi est une amie et il faut honorer d'abord la vérité avant des personnes. Ce qui est amusant, c'est que Aristote prend finalement ses distances avec Platon et le platonisme, mais en même temps, il répète un geste que Platon avait lui-même fait. Alors oui, mais pour bien comprendre ça, dites-nous comment se sont-ils rencontrés. Aristote était l'étudiant de Platon ? Oui, c'est-à-dire qu'Aristote est venu à Athènes. Aristote n'est pas athénien de naissance, il vient de Stagire et effectivement, il est venu à Athènes et il a intégré, entre guillemets, l'académie platonicienne, où finalement, les études, entre guillemets, philosophiques ne se pensaient pas exactement sur le mode des études actuelles où on prépare un diplôme, etc., où il y a une relation pendant des cours et chacun rentre chez soi ensuite. C'était une relation beaucoup plus, davantage de vie commune. Je dis pas que tout, bon, c'est pas exactement comment ça se passait, hein. Ça veut pas dire que tout le monde habitait ensemble non plus, mais il y avait vraiment une sorte de filia philosophique qui s'instaurait entre les membres. Donc, les relations de maître à disciple étaient certainement beaucoup plus fortes que les relations actuelles d'étudiants à professeurs. Hein. Et donc, ce qui donne plus de sel en fait à cette querelle aristotélicienne. Et encore une fois, finalement, Aristote lui-même répète un geste que Platon avait fait vis-à-vis d'Homère, Homère que Platon n'a pas fréquenté personnellement, évidemment, surtout que, comme diraient certains professeurs de lettres classiques, Homère n'existe pas. Homère est une reconstruction. Mais Platon lui-même disait « Nous avons une certaine amitié dans la République, livre 10, une certaine amitié, une certaine pudeur nous retient vis-à-vis d'Homère, mais la vérité nous contraint à dire que, etc. » et toute la critique homérique. Et c'est une sorte de geste philosophique qui est assez intéressant et qui se transmet à travers les âges, c'est-à-dire cette manière de se démarquer de l'amitié pour un maître et pour une personne en se revendiquant d'une amitié pour la philosophie et d'une amitié pour la vérité et pour la sagesse elle-même. Et c'est de là que vient l'adage « Plato amicus sed », donc Platon est un ami, mais « magis amica veritas », la vérité est davantage une amie. Et on trouve par exemple dans le frontispice d'un cours de Nietzsche, que Nietzsche a fait sur Platon, Nietzsche écrit en grandes lettres, vraiment calligraphié quasiment, « Plato amicus cède et il suspend. Hein, il ne prononce pas le mot de vérité, puisque Nietzsche a une relation très complexe avec la vérité, hein, dont il a analysé qu'elle était en soi un problème, que la volonté de vérité était en soi un problème. Mais on voit que ce geste-là se reproduit jusque chez Nietzsche quand il fait un cours sur Platon. Toujours cette espèce à la fois de proximité, de répétition d'un geste platonicien et en même temps de prise de distance. Alors, peut-être que les philosophes ont une relation un petit peu compliquée avec la philia, qui est un thème philosophique sur lequel ils ont beaucoup réfléchi, mais dans leur propre pratique, je dirais dans leur vie, hein, c'est peut-être deux choses un petit peu différentes. Il y a quelque chose d'assez complexe, encore une fois, du fait que la philosophie est cette discipline qui porte l'amitié dans son propre nom. D'où le sens de cette série d'émissions cette semaine à laquelle je vous remercie de participer, Anne Mercker. Est-ce que ça veut dire que pour Aristote, et sans doute pour Platon, car on va le voir, ils partagent quand même malgré tout beaucoup de la conception qu'ils se font chacun de l'amitié. Pratiquer la sagesse ou la philosophie signifie finalement être seul. Dans l'Antiquité, d'une certaine manière, dans l'Antiquité grecque, et je dirais même dans l'Antiquité athénienne, la solitude n'est pas du tout un horizon humain. Et justement, on voit Aristote faire des contorsions tout à fait intéressantes dans l'Éthique à Nicomaque, livre 9, chapitre 9, pour expliquer que bien que le sage atteigne une forme d'autarcie, d'autosuffisance, puisque le divin est toujours l'horizon du philosophe dans l'Antiquité, or la caractéristique du divin, c'est qu'il est autosuffisant, il ne manque absolument de rien. Donc Aristote nous dit « le Dieu n'est pas tel qu'il ait besoin d'amis ». Le Dieu n'a pas besoin d'amis. Mais transposer ça dans le domaine humain, d'une certaine manière, c'est quasiment impensable pour un grec. C'est-à-dire, une vie sans amis, c'est presque le malheur absolu. Donc Aristote est pris dans cette double contrainte, c'est-à-dire l'horizon du sage, c'est une sorte d'assimilation au divin, le divin qui n'a même pas besoin d'amis, mais en même temps le sage reste un être humain et donc il faut intégrer dans le système conceptuel le besoin d'un ami, alors que le sage est censé ne plus avoir besoin de rien. Et il fait toute une explication dans l'Éthique à Nicomaque pour dire finalement, la vie humaine est un acte de contemplation, et il est plus facile de le faire avec des amis. Et en plus, l'ami est un autre soi-même, donc quand je contemple mon ami faisant de belles actions, je me contemple moi-même et j'en retire un plaisir, etc. Donc il y a tout un réinvestissement finalement du besoin de l'autre soi-même. Même, alors que finalement, on se possède déjà soi-même. Alors, on va remonter en amont pour comprendre et déplier tout ce que vous venez de dire, Anne Mercker, notamment sur l'ami comme étant l'autre soi-même. Oui. Un bon ami est-il celui qui est semblable à nous ou au contraire, celui qui s'oppose à nous? Pour découvrir ensemble la réponse que propose Aristote, d'abord remontons jusqu'à Platon, car Platon a écrit un dialogue sur l'amitié, c'est l'autre nom du Lysis. Et dans le Lysis, Socrate va s'adresser à un interlocuteur, ici Ménexène, pour tenter de savoir si les amis sont bien ceux que Zeus assemble parce qu'ils se ressemblent ou pas. Écoutez le texte lu par Thibaut de Montalembert. Ce que disent les poètes n'est pas à dédaigner lorsqu'ils révèlent l'identité des amis. À ce qu'ils prétendent, c'est le Dieu lui-même qui les rend amis en les conduisant l'un auprès de l'autre. C'est à peu près ce qu'ils veulent dire, je crois, lorsqu'ils s'expriment ainsi. Toujours un Dieu conduit le semblable vers son semblable et le lui fait connaître. Voici donc, selon moi, ce que veulent dire de façon voilée ceux qui affirment que le semblable est ami du semblable. L'amitié n'est possible qu'entre les bons seuls, tandis que le méchant n'entre jamais dans une amitié véritable, ni avec le bon, ni avec le méchant. Nous savons donc désormais qui sont les amis. Le raisonnement nous indique en effet que ce sont les bons. Mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire, et je m'en rappelle à l'instant, que la plus grande hostilité règne entre les semblables et entre les bons. Il citait notamment Hésiode comme témoin, lui qui affirme que le potier en veut au potier, la aide à la aide et le mendiant au mendiant. Il affirmait que ce sont surtout les choses les plus semblables qui sont remplies de jalousie, de rivalité et d'inimitié les unes envers les autres, alors que les choses les plus dissemblables débordent d'amitié réciproque. En effet, c'est de ce qui lui est le plus opposé que chacun éprouve le désir, et non pas de son semblable. Le sec désire l'humide, le froid le chaud, la mer le doux, et ainsi de suite pour les autres choses suivant le même raisonnement, car le contraire est un aliment pour le contraire, et le semblable ne tire aucun profit du semblable. Est-on plus ami avec ceux qui nous ressemblent ou ceux qui sont notre contraire? C'est la question du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de l'amitié entre les philosophes cette semaine. Aujourd'hui, de l'amitié chez Platon et Aristote, qui se sont connus, qui n'étaient pas à proprement parler amis, mais qui ont chacun développé une définition de l'amitié emblématique de celle qui était de vigueur à l'époque. Dans le texte qu'on vient d'entendre, Anne Mercard, donc, je le rappelle, c'est le Lysis sur l'amitié hein, de Platon. La question est posée, la réponse semble être apportée également. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le texte, mais repartons de cette idée-là. Finalement, c'est de celui qui est le plus opposé que chacun éprouve le désir, et non pas de son semblable, pour une raison très simple. Il n'y a de désir que de quelque chose qui nous manque, qui n'est pas nous. Pour que le désir puisse advenir, il faut qu'il y ait une différence entre soi et ce qu'on désire. Oui, alors en fait le Lysis fait un tour complet des apories, c'est-à-dire il va vraiment faire le manège et revenir au point de départ. Je voudrais juste faire une remarque préliminaire qui m'est apparue dans la manière dont vous avez présenté. En fait, derrière la notion d'amitié, il y a l'idée de se rassembler, de se réunir, des liens, et je pense que c'est pas un hasard si Platon a abordé, c'est le texte de Platon où il aborde vraiment l'amitié, hein, la philia, sinon il parle beaucoup d'éros. Ça, c'est aussi une question, savoir qu'est-ce qui différencie exactement Eros de venir, philia, ouais. Amour et amitié. Et c'est pas un hasard si il l'a fait avec un personnage principal qui s'appelle le Lysis. Et Lysis, ça veut dire l'acte de délier. Ce qui est assez délier, oui, défaire les liens, ce qui est amusant, parce que dans le Protagoras, la philia est clairement annoncée comme étant quelque chose qui réalise un lien, etc. Et dans le Lysis aussi. Et effectivement, le Lysis fait des apories, et à chaque fois qu'il réussit à nouer une définition de l'amitié, elle se dénoue, elle se défait, et on revient au point de départ. Donc le premier point de départ, c'est, ben, comme en français, on dirait qu'ils se ressemblent, ça semble. Mmh. Voilà. Il y a une sorte d'affinité. Et on arrive effectivement à cette idée que, mais finalement, les gens qui se ressemblent n'ont pas besoin les uns des autres. Et il y a une forme, on revient à nouveau avec cette idée d'autarcie, d'autosuffisance. Et donc, c'est pas ça qui fait entrer dans l'amitié. Donc, on bascule dans l'antithèse, hein, maintenant, les contraires. Mais on va pas y rester si longtemps que ça. Vous avez bien rappelé qu'effectivement, on désire quelque chose. La philia est pensée comme un désir. Vous avez prononcé le mot important. La philia est pensée comme un désir. Alors, et ça, un désir, ça dit beaucoup de choses. Pas physique, j'imagine. j'imagine. Non, il y a mille désirs. D'ailleurs, le désir de vérité est aussi un désir. Effectivement, on peut considérer qu'une des différences majeures entre Eros et Philia, c'est précisément que ça ne s'exprime pas par un pathos et par un affect physique, hein, de l'ordre de la sexualité. Mais ça reste néanmoins quand même une forme de désir. Le désir étant ce qui nous meut vers quelque chose. Et il faut effectivement, d'une manière ou d'une autre, que ça nous manque. Mais si un contraire désire son contraire, donc on peut dire effectivement le sec n'est pas humide, il pourrait désirer l'humide. Mais qui désire sa destruction, puisque le contraire va s'abolir dans son contraire. Donc ça, c'est le gros problème de fond. Et autre difficulté, alors à l'aide d'exemples, Platon fait dire à ses personnages, à Socrate, mais on trouvera mille exemples de contraires qui ne sont pas amis entre eux. Et par exemple, l'amitié elle-même n'est pas amie avec la haine, l'injustice n'est pas amie avec la justice, et l'homme injuste, l'homme méchant, malhonnête n'est pas ami avec l'homme honnête. Donc on va basculer dans le troisième temps qui est, c'est ce qui n'est ni semblable ni contraire qui est ami avec son ami, ou ce qui n'est ni bon ni méchant, c'est-à-dire qui est intermédiaire entre les deux. Il y a ensuite toute une réflexion qui fait qu'on revient au point de départ et on est dans une aporie totale, c'est-à-dire on tourne indéfiniment dans un cercle qui passe du même à l'autre, et au ni même ni autre, et qui revient au même, à l'autre, au ni même ni autre, ou si vous voulez, qui passe du bon au méchant, au ni bon ni méchant, et qui revient, etc., indéfiniment. Et Platon, en fait, a exploré un peu ce cercle quasiment impossible, qui est le problème, en fait, encore une fois, de la relation entre le bon et l'amitié. Et entre eux, on pourrait le dire, en déclinant de manière vraiment très humaine, entre la vertu, le bon incarné sous la forme de la vertu, et l'amitié. Finalement, seules les personnes vertueuses peuvent être amies les unes avec les autres. Les personnes méchantes ne sont même pas amies avec elles-mêmes. Or, comment, quand on n'est même pas amie avec soi-même, qu'on est déchiré par des tendances contradictoires, etc., on ne peut pas être amie avec les autres. Et d'ailleurs, les méchants peuvent s'entendre localement, mais il y a toujours un moment où, par-delà leurs petits intérêts très localisé, il y a toujours un moment où l'inimitié va se déclarer. Donc finalement, le seul fondement solide possible de l'amitié humaine, c'est la vertu complète, la justice. Or, on revient à ces difficultés, mais on y reviendra toujours, toujours, toujours, qui est que l'homme bon, parfaitement bon, ou la personne parfaitement juste qui atteint une perfection de vertu, va en direction de la divinité, en direction du divin. Et n'a plus besoin d'amis. Voilà, on revient toujours à ce problème de l'autarcie, et c'est le cercle un peu infernal. Donc Platon échoue à proposer une définition de l'amitié, si je vous comprends bien. D'une certaine manière, il y a une aporie fondamentale dans l'amitié qui n'est pas complètement dépassable. Alors qu'on peut exprimer aussi d'une autre manière, avec la question de savoir est-ce que dans l'amitié, est-ce que j'ai vraiment une relation à autrui, ou est-ce que j'ai une relation à moi à travers autrui? Dans le fond, c'est une autre manière de l'exprimer. Ce qui est une question qui n'a rien perdu de son actualité. Non, au contraire. Au contraire. Et on le trouve développé, alors très clairement chez Aristote, beaucoup plus que chez Platon, puisque c'est une formule, une des plus belles formules d'Aristote. Aristote n'a pas toujours des belles formules, hein. On peut dire que les textes, en tout cas, qui nous sont parvenus, sont parfois un peu secs. Hein. Mais alors, sur l'amitié, on peut dire qu'il se surpasse. Et il a cette très belle formule consistant à dire « l'ami est un autre soi-même ». Un autre soi. Et là, se trouvent enfermées énormément de choses. Et finalement, peut-être une solution partielle à la pourrie. Alors, on va venir à Aristote dans un instant, mais d'abord, il faut peut-être avoir en tête, lorsqu'on écoute le texte de Platon, du Lysis, comme on vient de le faire, qu'il y a un présupposé quand même, c'est que la philia ne concerne pas simplement les affaires humaines, et que l'interrogation autour de du semblable ou des contraires qui peuvent se lier d'amitié est quelque chose qui précède bien la pensée de Platon, et qu'on trouve notamment chez Empédocle, qui est un des pré-socratiques, et qui écrit... Alors, dans la traduction que j'ai, il dit l'amour, mais c'est philia, j'imagine. Oui. L'amour et la haine, de même qu'ils étaient auparavant, de même ils seront. Et jamais, écrit-il, je pense, le temps infini ne sera vide de ce couple. Je parlerai du double processus des choses, car tantôt l'un grandit, demeurant seul, à partir du multiple. Tantôt, au contraire, il se divise, et de l'un naît le multiple. De ce qui est mortel, il y a donc double naissance et double destruction. L'union de toutes choses provoque la naissance et la destruction. et d'autre part ce qui est formé s'envole en tous sens lorsque les éléments se séparent, et ces éléments ne cessent jamais leur continuel échange, tout s'unifie grâce à l'amour, et tantôt à nouveau chaque élément se sépare, emporté par la force hostile de la haine. Le philia est à l'origine même, c'est quasiment une réflexion cosmique ici. Tout à fait. C'est ça qui est très très frappant. En fait, je pense que la vraie différence entre notre pensée contemporaine de l'amitié et la pensée antique, c'est que l'Antiquité a donné une ampleur prodigieuse à la notion d'amitié, avec la notion donc de philia, qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire que là, vous faites très bien de rappeler Empédocle, la philia et naïkos, la querelle, donc philia et naïkos, amitié ou amour et querelle, sont vraiment des forces cosmiques qui permettent d'expliquer, en tout cas dans un discours qui ne se veut plus mythique, qui se veut un véritable discours explicatif, qui permettrait d'expliquer des alternances des états de l'univers, des états du monde. Finalement, on est, à mon avis, on n'est pas dans une métaphore. C'est simplement que, effectivement, la notion de philia, au départ, elle est plus pratiquée dans le domaine humain, mais on n'est pas dans une pensée métaphorique d'une amitié. C'est vraiment l'idée d'une sorte de force cosmique. C'est l'attraction, on dirait. D'attraction, si l'on veut, etc. Mais alors, le terme de loi universelle n'est pas bon, parce que les anciens ne raisonnent pas en termes de loi, mais pour le dire avec nos termes, de loi universelle, d'observation universelle, la manière dont les éléments peuvent se réunir ou au contraire se désunir en permanence. Et le cycle du monde, les cycles du monde sont faits de ces réunions et de ces séparations, qui sont appelées philia et naïkos, avec des processus un peu plus complexes. Mais ça, c'est parfaitement caractéristique de l'Antiquité, c'est d'envisager philia comme quelque chose qui dépasse très très largement la relation inter-individuelle. Pour nous, amitié a d'abord, pas exclusivement d'ailleurs, mais quand même d'abord une dimension intime. Mm-hmm. Une dimension intime de la relation deux à deux, interpersonnelle, et ça peut éventuellement avoir un peu un sens politique, mais plus tellement. Bon, on parle de l'amitié franco-allemande, venant de Strasbourg, j'en entends parler. Vous enseignez la philosophie à l'Université de Strasbourg, c'est tout vrai. Tout à fait, mais disons, on sent bien que ça vire de plus en plus à la métaphore, c'est-à-dire on parle du couple franco-allemand, donc une sorte d'image filée que les journalistes aiment bien filer. Dans l'Antiquité, les relations inter-cités et inter-nationales, entre guillemets, inter-étatiques, s'exprimaient au sens propre et au sens non métaphorique par le terme de philia, et d'ectra, de philos, d'ami, et d'ectroi, d'ennemi. Et les alliances passées entre différentes cités, donc entre différents états, c'était les alliances de militaires, c'était, il fallait déclarer avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis. Donc la notion d'ami est une notion immédiatement politique et de manière non métaphorique. Il ne s'agit pas après de gloser sur le couple, etc. C'est vraiment un sens direct. Platon le montre bien après, même dans la République. Tout à fait. Et de manière interne, la notion de philia tient la place, même à mon avis une place plus importante que ce que nous, en France, nous appelons fraternité. Donc ça, c'est une petite marotte de ma part d'insister sur cet aspect-là. De manière tacite, l'expression n'existe pas en grec, mais on pourrait très bien considérer que le Athènes a une formule équivalente à la nôtre, liberté, égalité, fraternité. Mais s'ils avaient explicité une formule de ce genre, ils n'auraient pas dit fraternité à la fin, ils auraient dit amitié, liberté, égalité, amitié. Et là aussi, la philia, de manière non métaphorique, est une préoccupation politique majeure. D'autant plus que, comme on le sait, cette période tellement flamboyante au niveau des arts, de l'intelligence, de la philosophie, etc. Là, vous ne parlez pas d'aujourd'hui. Non, je parle de l'Antiquité grecque, du moins 5e et moins 4e. Ça a été une période de guerre et de violence dont on n'a pas idée. dont on n'a pas idée, nous, aujourd'hui, du phénomène de violence, on peut toujours les regretter, mais c'est sans commune mesure. Et si on regarde les guerres civiles, ce qui s'appelle vraiment une guerre civile, dont on voit un récit très célèbre dans Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, au livre 3, la guerre civile à Corcyre, on voit ce que pouvait être dans l'Antiquité une vraie fracture interne à un État entre les citoyens. C'est-à-dire, c'est du meurtre généralisé. C'est pas ce quoi on assiste aujourd'hui avec les gilets jaunes, ça que vous voulez dire? Non, pas du c'est tout. Beaucoup plus violent. Exactement, c'est vraiment sans commune mesure. Et on sent bien dans la République de Platon, avec cette obsession qu'a Platon de réaliser la filia entre les citoyens, on sent bien qu'il y a ce contexte politique où la filia représente quelque chose qui doit conjurer des tensions énormes, notamment entre les tendances démocratiques et les tendances oligarchiques à l'intérieur des cités, qui sont finalement les deux camps, on va dire, principaux. Et l'obsession platonicienne dans la République pour la filia n'est pas une obsession de philosophe, idéaliste, etc. C'est une véritable préoccupation par rapport à des conditions historiques. Et on trouve la même chose dans les lois, c'est-à-dire encore à la fin de la vie de Platon, où tout d'un coup Platon, dont on sait les critiques envers la démocratie, tout d'un coup Platon réintègre la démocratie dans le champ des constitutions auxquelles il trouve finalement quelques vertus, puisque dans la démocratie, on a de l'égalité et l'égalité favorise l'amitié. Oui, mais vous parlez d'égalité, pardonnez-moi, mais dans la République, l'égalité, c'est entre certaines personnes. Oui. Vous parliez de liberté, égalité, amitié. Liberté, pas pour tout le monde. Égalité, pas entre tous, alors, quand même. Liberté, de manière presque tautologique, c'est pour tous les citoyens. Sauf les esclaves. Voilà, mais les esclaves ne sont pas citoyens. Sont pas citoyens, voilà, donc, c'est ça. D'une manière presque tautologique, vous m'excuserez, mais... Et effectivement, dans la République, les citoyens sont tous libres, même la classe des producteurs, etc. Et après, les esclaves, par définition, sont esclaves. Mmh. Ça, on est d'accord. Mais donc, il y a une forme d'égalité entre les citoyens. Dans la République, il y a ces trois classes. Et effectivement, la filia doit être réalisée principalement au niveau des classes militaires, enfin guerrières et dirigeantes. Maintenant, dans les lois, le projet platonicien, je rappelle que la République n'est pas tout à fait exactement un projet concret, alors que les lois, on peut dire, oui, qu'il y avait un projet, en tout cas, ça peut servir de oui, c'est de moins projet, utopique. Entre guillemets. Et c'est là que Platon dit, bon, finalement, la meilleure des constitutions ne sera jamais une constitution pure. Il faut du mélange parce que la réalité humaine elle-même est mélangée. Et donc, on voit ressurgir cette question de l'égalité entre tous les citoyens, justement parce qu'elle favorise l'amitié. Et l'amitié, donc les Grecs avaient beaucoup de dictons sur l'amitié. Il disait isothès, philothès. L'égalité est amitié, ou inversement, l'amitié est égalité. Et il disait aussi, entre amis, tout est commun. Voilà. C'est l'adage pythagoricien, c'est ça, voilà. Entre amis, tout est commun, donc pas de propriété privée. Dans la République, ouais. Oui. Et dans les lois, c'est plus subtil, en apparence de la propriété privée, mais Platon réussit à faire que cette propriété soit finalement la propriété commune de la cité. Mais le but est effectivement de réaliser l'unité. Et donc on revient quand même à cette idée que dans l'amitié, qu'elle soit intime, qu'elle soit politique, qu'elle soit cosmique, il se réalise quelque chose qui a à voir avec la constitution de soi. L'ami est un autre soi, et dans cette altérité d'un autre soi qui est quand même autre, avec lequel je n'ai pas de relation fusionnelle, à la différence de l'amour, c'est Aristote le dit assez clairement dans Eros, il y a la volonté de faire un de manière fusionnelle. Donc en quelque sorte, les deux s'abolissent dans l'unité. Et si on pourrait reprendre des textes de Montaigne, où on voit que cette amitié avec la Boétie est quand même aux confins d'Eros, puisque c'est beaucoup plus fusionnel que le modèle que propose Aristote ou Platon. Et donc Eros est fusionnel, mais l'amitié, c'est ce type de relation où à la fois l'autre est un autre moi-même, donc il y a une forme de cohésion qui est réalisée, mais une cohésion malgré tout dans l'altérité. Ça, c'est Aristote et Platon. Platon. Les deux sont d'accord sur Aristote le dit clairement, et il reproche à Platon d'avoir voulu réaliser une amitié trop, trop unificatrice dans la République. Mais bon, Aristote est aussi plein de mauvaise foi envers Platon. Mais tout ça pour dire qu'il se joue donc finalement dans cette filia, qu'on soit dans le domaine de inter-individuel, donc intime, si je puis dire, ou dans le domaine politique, ou dans le domaine cosmique, on a finalement pris en charge par cette notion d'amitié un problème qui est d'ailleurs très dialectique, et on l'a entendu d'ailleurs dès Empédocle, qui est de l'articulation du multiple dans l'unité. Et finalement, c'est le problème politique par excellence. Il n'y a pas de politique sans pluralité. Hannah Arendt, qui est une grande aristotélicienne, le dit. La condition de pluralité, finalement, c'est ça qui fait le fond de la condition politique, hein, avec condition de publicité, etc. Et donc, si tout est absolument un, il n'y a plus... C'est le totalitarisme. Bah oui, enfin, puis voilà, c'est autre chose. C'est pas une communauté politique. Donc, il y a cette altérité, il y a cette pluralité. Et en même temps, il faut en réaliser une certaine forme d'unité. Et donc, la filia a une importance politique, comme Aristote le rappelle lui-même au premier chapitre du livre 8 de l'éthique à Nicomaque. Que nous allons entendre dans un instant, je précise qu'avant de, voilà, qu'il essaye de se situer quand même par rapport à Platon dans ses réflexions sur l'amitié et par rapport à Empédocle, et il dit « Les interrogations qui portent sur la nature sont à laisser de côté car elles ne sont pas appropriées au présent examen. Toutes celles qui touchent à l'homme, c'est-à-dire se rapportent aux traits du caractère et aux affections, eh bien celles-là, nous avons à les soumettre à l'examen. » Ceci pour dire que dans l'éthique à Nicomaque, du moins, le geste d'Aristote est vraiment de partir de l'homme, de la description oui, même quasiment empirique, c'est-à-dire les hommes qu'il a sous les yeux, l'expérience qu'il fait de la nature humaine, plutôt qu'une réflexion plus abstraite sur ce qu'est la nature. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le geste aristotélicien par rapport à Platon. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans le Lysis, on avait encore tout mélangé, c'est-à-dire Platon prenait en charge à la fois la dimension cosmique de l'amitié, la dimension humaine, politique, interindividuelle, etc., alors qu'Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, veut vraiment se centrer sur la question humaine. On a effectivement un état des lieux qui est fait par Aristote, comme il fait assez souvent, que vous dites de manière un peu empirique. Mmh. Et cet état des lieux sert aussi à magnifier le sujet, presque dans un geste un peu rhétorique. Au début de son étude de l'amitié, hein, qui commence donc au livre 8 de l'éthique à Nicomaque, je rappelle que l'amitié, la philia, c'est le thème éthique auquel Aristote consacre le plus grand nombre de pages. Il consacre en tout 3 livres, 2 livres dans l'éthique à Nicomaque et 1 livre dans l'éthique à Eudème. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent pour aucune autre notion éthique chez Aristote. Et donc, il a d'abord cette espèce de geste à la fois empirique et rhétorique, c'est-à-dire de prendre acte de l'importance de l'amitié dans les relations humaines, mais en prenant acte de cette importance, il magnifie déjà son objet et il le magnifie de 2 manières, en montrant sa nécessité. Ce qui peut paraître d'ailleurs étonnant, parce qu'on peut se dire, mais finalement, ce qui est important, c'est d'avoir à manger, d'avoir, voilà, mais l'amitié, ben non, non, l'amitié est déjà placée parmi les choses nécessaires. Et il insiste d'ailleurs essentiellement sur la nécessité de l'amitié, et notamment une des nécessités, il y en a plusieurs, mais une des nécessités, c'est une nécessité politique. Et la force de l'amitié est telle, ce qu'elle apporte à la communauté humaine est telle qu'elle surpasse même la justice. Puisque, comme nous dit Aristote, en reprenant une sorte de doxa autorisée, quand on est ami, on n'a plus besoin de justice. Parce que les amis ne se font pas de tort. Les amis, entre amis, tout est commun, donc, et les amis ne se font pas de tort. Alors que quand on est juste, on a encore besoin d'amis. Et ça, c'est quelque chose de très fort et très important. Et puis, en deuxième temps, il magnifie le fait que non seulement c'est nécessaire, mais en plus c'est beau. C'est de l'ordre de la beauté. Le texte d'Aristote qui reprend point par point les idées que vous venez d'énoncer, Anne Mercard. L'amitié s'instaure de façon apparemment naturelle chez les parents envers leur progéniture et chez les enfants envers ceux qui les ont engendrés, non seulement parmi les hommes, mais encore parmi les oiseaux et la grosse majorité des animaux. Elle existe même entre représentants d'une même race où elle est réciproque, et surtout entre les hommes. D'où l'éloge que nous faisons de ceux qui aiment leurs congénères. Du reste, on peut encore voir, au gré des voyages, comme tout homme a de l'affinité pour son semblable et lui est cher. D'autre part, selon toute apparence, même les cités doivent leur cohésion à l'amitié. Et les législateurs s'en préoccupent, semble-t-il, plus sérieusement que de la justice. La concorde est en effet quelque chose qui ressemble à l'amitié selon toute apparence, Or, c'est à elle qu'il vise par-dessus tout. Et l'insurrection, qui est son ennemi, est ce qu'il cherche le plus à bannir. De plus, entre amis, pas besoin de justice. Mais des gens justes éprouvent encore un besoin d'amitié. Et la justice à son plus haut degré de perfection passe pour être inspirée par l'amitié. Toutefois, ce n'est pas seulement une chose nécessaire. Au contraire, c'est aussi une belle chose. Nous faisons en effet l'éloge de ceux qui aiment s'entourer d'amis. En même temps, avoir beaucoup d'amis passe pour être une belle chose entre toutes, et de plus, les mêmes personnes, croit-on, qui sont hommes de bien, sont aussi celles qui méritent le titre d'amis. Aristote nous a promis qu'il allait s'intéresser aux traits du caractère, aux affections de Mercaire. Dans ce texte, quand même, il est dans un registre assez théorique, assez large. Oui, assez large, mais c'est vraiment une entrée en matière. Hein. Donc ça, c'est la méthode aristotélicienne, c'est-à-dire on reprend un peu toutes les opinions et on les présente pour faire une sorte d'état des lieux. Juste après, il va dire « Ah oui, mais on a aussi beaucoup d'aporie à ce propos ». Et là, il reprend en fait le Lysis, hein, ouais. Exactement ce que vous avez indiqué. Est-ce que ce sont les semblables ou est-ce que ce sont les contraires, etc. Et en fait, il pose des pions, mais il va les bouger après. Et par exemple, la dernière partie de l'extrait dit donc l'amitié c'est quelque chose de beau, oui. Ceux qui ont beaucoup d'amis c'est valorisé, etc. Et en fait il va revenir complètement là-dessus hein, parce que justement la question du nombre des amis est une question que le philosophe qu'Aristote ne pouvait évidemment pas laisser de côté. Et un adage, enfin qui s'est devenu finalement une sorte d'adage mais qui nous vient d'Aristote, c'est le suivant, celui qui a beaucoup d'amis n'a pas d'amis. Et il y a une réflexion sur la question de savoir jusqu'à... Alors, ce qui est contradictoire avec la dimension politique dans ce cas de l'amitié. Oui, alors... La politique, oui. Qui dit politique dit pluralité, donc... C'est vrai, mais c'est à ce moment-là un autre type d'amitié, puisque le travail aristotélicien, en fait, est assez célèbre, on n'en a pas encore parlé, mais je m'en voudrais de terminer l'émission sans avoir quand même évoqué ces trois formes d'amitié qu'Aristote classe finalement par ordre de degré aussi. La toute première amitié qui est fondée sur la vertu, on en a déjà un petit peu parlé, et un deuxième type d'amitié qui est fondée sur le plaisir, et un troisième type d'amitié qui est fondée sur l'intérêt. Et donc Aristote, voulant toujours rendre compte de la totalité de la réalité, rompt un peu avec Platon, qui aurait plutôt tendance à faire penser que seule la première forme d'amitié est vraiment une amitié, puis que les autres usurpent le nom. Disons, on pourrait trouver chez Platon des arguments pour dire qu'il défend ce genre de position. Et Aristote veut tout conserver, mais en faisant des degrés. C'est-à-dire, il y a vraiment la vraie amitié, celle qui sert de modèle aux autres. Mmh. C'est celle qui est fondée sur la vertu. Et les autres sont des images en quelque sorte dégradées. Tout simplement parce que, en fait, il y a quelque chose de commun. La philia est une forme de désir. On désire toujours ce qui est bon. Et le bon, au sens le plus authentique dans l'être humain, c'est la vertu. C'est la vertu éthique, c'est la vertu morale, et les vertus intellectuelles aussi. Mais en tout cas, c'est la vertu. Mais finalement, le plaisir, c'est aussi une forme du bon. C'est une forme du bon. Aristote dit dans le traité de l'âme, le plaisir, c'est le bon en tant qu'il apparaît au sens. Donc c'est pas une condamnation du plaisir, hein, mais c'est le plaisir apparent, le plaisir phénoménal, je pourrais presque dire, en tant qu'il se manifeste à travers la sensation. Quant à l'intérêt, ça dépend intérêt pourquoi, mais on va dire là l'intérêt commercial ou des choses comme ça, c'est aussi une forme mais très dégradée du bon. Donc finalement, les amitiés, les différentes formes d'amitié valent en fonction du type de bon, du type de bien auquel elles sont attachées. Et la vraie amitié, c'est celle qui s'attache au bien comme vertu, donc qui s'attache à la personne elle-même. Alors que l'amitié seconde qui se fonde sur le plaisir, que nous donne, alors plaisir même sensuel, et c'est là qu'on voit que, bon, je pense qu'il y a la paille d'Erastia, hein, qui est pas loin. C'est-à-dire donc il y a aussi la question de Eros. Ben, la relation, cette relation qu'on appelle pédérastique, mais il faut replacer dans le contexte, hein, cette pratique grecque tout à fait particulière de relation sexuelle consentie, mais avec des modalités particulières entre un adolescent et un homme mûr, avec une sorte d'échange de prestations, l'un finalement initiant le jeune garçon, le jeune homme au monde de la culture, etc., et l'autre produisant ou fournissant une sorte de plaisir sensuel, hein, à l'homme mûr. Donc là, il y a quelque chose dans cette forme de philia, quelque chose qui rejoint Eros et qui est de l'ordre de la jouissance sensuelle et qui est une forme du bon en tant que, etc. Il y a cette apparence du bien par les sens, et encore une fois, on est dans un système très codifié, hein. C'est pas rien à voir avec ce qu'on appelle la pédophilie aujourd'hui, ce qui doit s'appeler d'ailleurs plutôt la pédocriminalité, comme les gens ont raison de... Oui, le terme de philia n'a rien à voir. Absolument, ici. C'est un outrage autant au terme qu'aux personnes. Et donc on a en quelque sorte cette gradation de filiaille, d'amitié, la première étant véritablement la plus importante. Alors maintenant, on peut se demander, oui, mais alors la filia dans le domaine politique, et évidemment que l'idéal, ce serait d'avoir une filia dans le domaine politique où toutes les relations inter-individuelles sont fondées sur la vertu. Dans le réel, qui est celui de Platon ou d'Aristote, ça n'est pas le cas. Néanmoins, vous remarquerez que le projet politique de Platon, et en réalité aussi à la suite d'Aristote, c'est de refonder la politique de manière éthique et de considérer, comme le dit Platon dès le Gorgias, mais ça va jusqu'aux lois, que l'objet même de la politique, son vrai objet, c'est de produire des citoyens vertueux, de faire accéder à la vertu. Donc, d'une certaine manière, il y a une cohérence. Oui, ou alors c'est un cercle vicieux. Parce que pour que la politique soit vertueuse, il faut que les humains soient vertueux. Si c'est la politique qui rend les humains vertueux, alors qui va faire la politique, vous voyez ? Ça, c'est toute la difficulté du commencement. L'œuf et la poule. Voilà, je crois que l'œuf et la poule. Et je crois que Platon avait une certaine mélancolie à ce sujet, puisqu'il lui arrivait de dire, dans les lois notamment, il faudrait quelqu'un de surhumain, il faudrait un être divin pour s'occuper des humains. Voilà. Alors dans ce cas, il n'y aurait pas de philosophie si cet être existait. Il n'y aurait pas de philosophe, en effet. Ce serait bien dommage. Un dernier point, Anne Mercker. Vous êtes passée rapidement sur cette affirmation d'Aristote selon laquelle l'ami serait un autre moi-même. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, là aussi, on va retrouver toujours, on y revient en permanence, on va retrouver la vertu. On va retrouver... ça, c'est vraiment, je dirais, c'est le cœur de cette saisie antique de l'amitié. Un autre moi-même, ça signifie que finalement, on pense l'amitié non pas sur le mode de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, où finalement il y a une singularité absolue dans la relation de l'ami, une sorte de syncrétisme, de caractère, de personnalité, etc., et qui ne peut pas jouer avec quelqu'un d'autre. C'était lui, c'était moi, et ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Alors que un autre moi-même, Aristote le pense justement sur le fondement de la vertu. D'une certaine manière, l'autre peut être un autre moi-même quand moi-même je suis vertueuse et quand l'autre personne est elle aussi vertueuse. Et c'est là que finalement peut se faire une sorte de projection. Alors c'est une approche qui peut paraître très dépersonnalisée par rapport à, je reviens à cette idée d'intimité que nous avons dans l'amitié, mais qui peut-être repose aussi, ce que nous appelons aujourd'hui amitié, beaucoup sur de l'affect, sur quelque chose qui est de l'ordre du pathos, alors que le travail aristotélicien sur l'amitié, j'aurais tendance à le qualifier comme justement un désengagement de l'affect, un désengagement de la sphère de l'amitié vis-à-vis de la sphère de l'affect pour réaliser cette fondation qui était engagée chez Platon, mais que Aristote pense vraiment, cette fondation de l'amitié sur la vertu morale. Dans la vertu morale, je suis en accord avec moi-même, je suis ami avec moi-même. Oui, c'est ça. Et ce qui est la condition de l'amitié, voilà, non ? Exactement, ce qui est la vraie condition de l'amitié. Et l'autre, qui est dans une même situation de vertu, est aussi ami. Et je terminerai néanmoins, pour bien comprendre le sens de cet autre soi-même, il faut aller jusqu'à l'éthique à Eudème, Et là, il y a un petit aspect technique. C'est un endroit, enfin, dans l'éthique à Eudème, Aristote définit l'amitié comme, alors je vais dire un gros mot, vous me pardonnerez, mais je vais l'expliquer, comme une anti-proaérésis. C'est-à-dire, je traduis avec mes mots, aucune traduction n'est parfaite, mais celle-ci me semble plus toucher plus au cœur, une intentionnalité mutuelle. En général, on traduit ça en disant « les amis se choisissent réciproquement les uns les autres ». Or, ça ne peut pas marcher dans la traduction parce que même les méchants peuvent se choisir les uns les autres. Donc Aristote ne peut pas définir la vraie amitié comme le fait de se choisir mutuellement. Ça ne marche absolument pas et en plus grammaticalement dans le texte ça ne marche pas, mais ça je passe. Non, ce que veut dire Aristote, c'est que dans l'amitié, chaque ami prend l'autre ami comme fin de ses propres désirs. C'est-à-dire, comment est-ce que moi qui suis un sujet désirant, dans tout désir, on désire pour soi, on désire quelque chose qui puisse être pour nous, et en fait, il faut arriver à penser que dans l'amitié, l'objet de mon désir, alors certes, je désire un ami au sens où c'est un objet que je veux m'approprier, mais si c'était que ça, ce serait pas de l'amitié. C'est qu'en fait, je désire du bien à mon ami pour lui-même ou pour elle-même. Et donc, l'ami devient lui-même ou elle-même la fin de mes propres désirs, alors que, a priori, le désir a une structure telle que désirer, c'est toujours désirer pour soi. Et donc finalement, il devient possible de désirer du bien à l'ami lui-même dans cette relation de projection vertueuse où l'autre finalement est un autre moi-même, ce qui finalement permet aussi cette orientation exceptionnelle du désir. Il permet à Stéphane Escher de chanter « Je n'ai pas d'amis comme toi ». Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes chances, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas s'y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Comme toi. Merci beaucoup Anne Mercard d'être venue nous parler de l'amitié chez Platon et Aristote ce matin. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme à chaque fois, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Aristote, une philosophie pour la vie aux éditions Ellipse, mais aussi, en lien avec l'amitié, le principe de l'action humaine selon Démosthène et Aristote aux éditions Les Belles Lettres, une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote, toujours aux Belles Lettres, et puis, plus ancien, la vision chez Platon et Aristote pour les plus courageux d'entre vous, chers auditeurs aux éditions Academia. Je n'ai pas d'amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi, je n'ai pas d'amis comme moi, devrait dire Stéphane Escher après avoir lu Aristote. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de la parution d'un texte peu connu de René Descartes. Savez-vous, Adèle, ce que sont les météores ? Bah, c'est un lien avec les météorites. Pas trop loin, ouais, c'est un rapport ou avec la météo. Le ciel. Ouais, c'est pas loin. Les météores, ce sont tous les phénomènes aériens sublunaires. C'est par exemple le vent, la neige, la pluie ou la météo, grêle. Donc, oui. Ou encore l'arc-en-ciel, météore du grec météoros qui signifie qui est en haut. Mais les météores, c'est aussi le titre que le philosophe René Descartes a donné à l'un de ses textes, peu lu et peu travaillé, qui traite précisément de ces phénomènes qui ont lieu sous la lune, mais au-dessus de nos têtes. Alors que nous dit Descartes à travers ces pages? Quelle pourrait être une philosophie des météores? Comment penser la pluie, la neige ou les arcs-en-ciel? Et comment ces pages nous disent-elles autre chose de ce philosophe d'abord connu pour sa métaphysique et son idée de maîtriser la nature, découverte de ce texte trop peu connu?

Et merci également à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Clément Dette qui est à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert et Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'amitié entre philosophes. Demain, ce sera Franck Salin qui viendra évoquer Rousseau et Diderot et leur amitié, disons, hantée. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, quelle que soit la météo. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires auxquels nous ferons le plaisir de vous répondre en toute amitié. On se retrouve demain à 10h donc. Nous, en tout cas, on sera là. Mais d'ici là, vous restez à l'écoute sur France Culture.